Et tout de suite, chronique d'une dystopie. Attention, attention, grande manifestation nationale dans nos rues. Les travailleurs se réveillent pour protester. Et quelle protestation! Combien de ballons avez-vous compté aujourd'hui? 1000 s'écrivent l'Equidam, 10 000 pour l'organisatrice, 10 s'écrit, ah, ben ça, vous l'aurez deviné, la police. Alors, on sait tous qu'elles abusent un peu sur leurs chiffres à leur manière. En fait, on s'en fout parce que tout le monde, sauf on sait qui, bien entendu, s'accordera pour dire que cette longue marche de 3/4 d'heure fut belle et grandiose. Imaginez 100 000 personnes qui ne lâchent rien fièrement. La tête haute se pavane comme des paons aux pantalons rouges, bleus et verts, verts de rage, qui sortent leurs fanions en guise de lutte sociale, en guise de protestation. 100 000, oui, qui montent au créneau et marchent, mon Dieu, imaginez ça, elles marchent, qui vont voir un concert, se poser quelques instants ou siroter une bière selon le temps, puis quand la fatigue se fera sentir, rentreront à la maison fiers de cette grandiose démonstration. Quel rapport de force mémorable! Les productrices, producteurs de richesses qui s'organisent et décident de montrer à leur maître ce dont ils sont capables. De quoi faire tomber, trembler l'État, la bourgeoisie qui les domine. Là, je cesse d'être affable, je n'en suis plus trop capable. 100 000 clowns qui joyeusement défilent dans les rues, qui, à force de consommation, de chansons, de bouffe et boissons, restent dans le cadre de la soumission. Un spectacle pas joyeux, plutôt triste en fait. Les voilà qui se remémorent avec une nostalgie cette période jamais vécue des luttes ouvrières. Les voilà qui se font les porteurs de cette flamme comme pour mieux l'éteindre de leur saccage, car si ils et elles portent des couleurs primaires, la primarité de leurs actes en font des brins. J'en ai vu faire des sermons de passivité, d'autres de dénonciation. D'autres encore applaudir ceux qui, quelques instants auparavant, venaient de les gazer et tabasser plusieurs des leurs. Je pense notamment à cette gamine de 12 ans en train de pleurer en mai passé, balayée par une matraque alors qu'elle assistait simplement à la manifestation avec sa mère. J'ai pensé à elle lorsque ses enflures ont enlevé leur casque en marque de solidarité à cette même manifestation sous les hurrahs des travailleurs. Une petite parenthèse, des miliciens, on peut avoir son avis, mais comme tout animal, on va pas faire dans l'antispécisme, dans le spécisme, pardon, c'est un mini troll. Donc comme tout animal, les faits permettent mieux les cerner. Il s'agit d'une espèce hargneuse lorsqu'il s'agit de défendre ses maîtres contre le peuple. Laboratoire du pire, des limites de l'acceptable, de la reproduction de la haine et de la démagogie, voilà ce qu'est la police, une entreprise fasciste. Mais soit, revenons à nos moutons, ceux qui font du Normidie à l'appel pour changer le monde. Lorsque les syndicalistes qui prétendent défendre les travailleurs se permettent de dénoncer et de jouer copine-copain avec le pouvoir, je doute qu'on puisse parler de lutte et de résistance. Je sais pas, moi ça me semble pas trop en phase. Lorsque ces syndicats se désolidarisent de celles et ceux qui agissent autrement parce que cela n'est pas politiquement correct, je doute que l'on puisse parler de lutte sociale, plutôt de traîtrise en fait. Alors que ces traîtres avaient un potentiel révolutionnaire et de changement de la société, ils ont préféré se hiérarchiser, se bureaucratiser, devenir des institutions respectables pour pouvoir danser dans le grand bal des politiciens. Alors qu'elles portaient la révolution et ses idéaux d'égalité, de justice et de progrès social, ces valeurs semblent avoir disparu, de même que leur hargne à les défendre. Pourquoi observe-t-on encore autant de sexisme, de racisme, d'homophobie et j'en passe au sein de ces groupes? Ces problèmes auraient dû être réglés il y a bien longtemps. Et qu'on vienne pas me lâcher que c'est une question d'époque. L'histoire montre qu'on n'a pas attendu les suffragettes pour s'y attaquer. À prêcher sur ses acquis, l'Église syndicale a oublié ce qu'il a fondé. Une nécessaire transition vers une autre société anticapitaliste, délivrée de ses monarques et libre. À la place, elle préfère organiser une procession de fanions, comme d'autres ont leur croix et leur vierge. Célébrer son existence en présence de ses évêques et gagner des fidèles avec ses chansons. C'est à ça que se résume aujourd'hui la lutte sociale pour le Front commun syndical, un spectacle de clowns. We'll be right back. religion n'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. Si le vote n'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes, on ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Politicien ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille.